L'amour s'en va soudain, mes choux se déchirent. Alors je chante, alors je chante. Dès l'instant où je n'ai plus le cœur à sourire, quand sur ma route tu n'es pas près de moi. Dès l'instant où je n'ai plus le cœur à sourire, quand sur ma route tu n'es pas près de moi. Alors je chante. Mes jours sont morts.